j'ai couru après l'astre défendu comme avec l'amour à mes trousses et un coup de pied qui m'y pousse. J'avais bu sévère comme un médicament contre la morale austère des gens qui vont en maugréant. Mais j'ai pris froid dans le souffle de ta voix. Depuis je suis malade et j'ai perdu mes camarades. Oui, j'ai pris froid. Et même si tu n'existais pas, je réinventerais sans cesse les quelques notes de l'ivresse. Je suis honnête, fais pas cette tête. L'amour en a et ça m'embête. L'amour en a pour moi, ni queue ni tête. Je courais quand les autres reculaient à épouser la solitude et ses constantes incertitudes. Je l'ai fait bien trop tôt pour en revenir. Le réel est bien palo pour pouvoir me retenir. Mais j'ai pris froid dans le souffle de ta voix. Depuis je suis malade et j'ai perdu mes camarades. Oui, j'ai pris froid. Et même si tu n'existais pas, je réinventerais sans cesse les quelques notes de l'ivresse. Je suis honnête, fais pas cette tête. L'amour en a et ça m'embête. L'amour en a pour moi, ni queue ni tête. Comme il pleuvait sur Nantes, le poète au mince sale avait perdu son amante. Et je l'entends déjà au creux de ma poitrine. Mais il ne peut se plaindre car c'est lui qu'on assassine. Il a pris froid dans le souffle de ta voix. Depuis il est malade et a perdu ses camarades. Il a pris froid. Et même si tu n'existes pas, il réinvente sans cesse les quelques notes de l'ivresse. Il est honnête, fais pas cette tête. L'amour en a et ça l'embête. L'amour en a pour lui, ni queue ni tête.